de fées en français. Les quatre frères. Il était une fois, dans un petit village, un pêcheur et ses quatre fils. Ses fils s'appelaient Rob, Cole, Alex et Harry. Le pêcheur était très pauvre. La vente du poisson était sa seule source de revenus et il avait réussi à gagner juste assez pour nourrir sa famille. Il n'avait plus rien à donner à ses fils. Un jour, il appela ses fils et leur dit « Mes enfants, écoutez-moi. Je n'ai rien à vous donner. Maintenant que vous êtes assez grands, vous devez aller voir le monde. Trouvez une vocation et tentez votre chance. Mais père, nous ne connaissons aucun métier ni art. Que ferons-nous loin de chez nous ? C'est exactement ce que vous devez savoir. » Vous allez devoir découvrir quel type de travail vous êtes capable de faire. Mais père, nous ne nous sommes jamais aventurés seuls dehors. Mes enfants, tout se passera bien. Je ne veux pas que vous meniez la vie de pêcheur. On peut à peine vivre de ce travail. Allez fonder un commerce lucratif. Très bien, père. Si c'est ce que tu veux, eh bien dans ce cas, nous irons. Oui, père, nous irons. Les quatre frères dirent au revoir à leur père et partirent. Après une certaine distance, ils virent quatre routes allant toutes dans des directions différentes. Rob dit à ses frères « Je pense que chacun de nous doit choisir l'une de ces routes et nous devrons nous retrouver ici dans 4 ans. » Très bonne idée, grand frère. Bonne idée, grand frère. Les quatre frères empruntèrent les quatre routes différentes. Rob rencontra un homme sur le chemin. Hé, l'ami, c'est une impasse. Où vas-tu donc? Je veux apprendre un métier. Tout type de commerce qui me permettra de gagner ma vie. Alors viens avec moi. Je vais faire de toi le voleur le plus furtif du monde. Non, non. Je veux gagner avec honnêteté, pas par le vol. Je veux vivre librement et surtout pas finir en prison. Écoute, l'ami, qui te demande d'aller en prison? Apprends simplement mon savoir-faire, mais utilise-le pour faire le bien. Rob accepta son offre. Il pensait qu'il n'y avait rien de mal à apprendre un métier. Alors il alla avec l'homme. Il le rendit si fort pour voler que peu importe ce que voulait Rob, il pouvait facilement le voler sans que personne ne le sache. Alors qu'il marchait, Cole atteint un endroit où une rivière coulait et où il n'y avait qu'une maison dans la région et rien d'autre à des kilomètres à la ronde. Il vit un homme debout près de la rivière. Il tenait une machine en verre. Cole n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. Il alla chez lui. Bonjour! Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, avec cette machine, tu peux facilement voir les choses au loin. Cela s'appelle une paire de jumelles. Cela semble vraiment très intéressant. Pouvez-vous m'apprendre à l'utiliser? Si vous voulez apprendre, avec plaisir! Cole commença à vivre avec cet homme. L'homme lui enseigna l'art d'utiliser les jumelles. En quelques mois, Cole en devint un expert. Tu as tout appris. À présent, si tu veux partir, tu es libre de t'en aller. Oui. Une année entière est passée. Maintenant, je vais devoir partir. Très bien. Prends cette paire de jumelles avec toi. Avec elle, tu pourras tout voir, que ce soit sur terre ou dans le ciel. Pendant ce temps, le troisième frère, Alex, rencontra un chasseur. Il resta chez le chasseur et apprit de lui le savoir-faire de la chasse. Alex, cela fait de nombreux jours que tu pratiques ici, sur le terrain. Aujourd'hui, je dois me rendre dans la jungle. Nous allons voir si tu peux viser des cibles en mouvement. C'est entendu. Ensemble, ils atteignirent la forêt où le chasseur montra à Alex comment viser un cerf. La flèche frappa le cerf et le tua. Alex, viens maintenant. À toi d'essayer. Alex prit une flèche et la dirigea vers un oiseau en vol. Mais la flèche le manqua. Alex, tu as encore besoin de pratique. À partir de maintenant, chaque jour, nous viendrons dans la jungle pour pratiquer. Comme vous voulez. Chaque jour, le chasseur amenait Alex dans la forêt pour s'entraîner. Et finalement, Alex pouvait toucher des cibles sans en manquer une. Il était devenu un expert absolu de l'art de la chasse. Bravo, Alex! Maintenant, ton geste est parfait et tu as appris tous les aspects de cette compétence. Merci beaucoup. Vous m'avez aidé énormément. C'est seulement grâce à vous que j'ai pu progresser à un tel point. À présent, je dois rentrer chez moi pour pouvoir aider mon père. Bien sûr, tu peux partir et prends cet arc et cette flèche avec toi. Ils te seront utiles. Le plus jeune frère Harry arriva dans un village où il rencontra un tailleur. Mon frère, qui es-tu et que fais-tu donc ici? Je m'appelle Harry et je suis venu pour apprendre n'importe quel type de métier. Intéressant. Dis-moi, dans ce cas, souhaites-tu devenir tailleur? Car je peux t'apprendre. Bien sûr, pourquoi pas? J'aimerais beaucoup apprendre. Harry resta chez le tailleur. De tout son cœur, le tailleur lui enseigna l'art de coudre des vêtements. Il expliqua à Harry les plus beaux aspects de son travail, comme par exemple comment enfiler une aiguille, tenir un morceau de tissu avant de broder. Il lui avait tout appris. Au fil du temps, Harry sut très bien s'adapter à la couture. Le tailleur était très heureux de son travail acharné et de sa sincérité. Et quand Harry s'en alla, le tailleur lui donna une aiguille et du fil et lui dit « Je suis très content de ton travail. Prends cette aiguille et le fil. Garde-le aussi doux que la laine molle et aussi résistant que l'acier. » Comme ça, tu pourras coudre n'importe quoi et personne ne sera jamais capable de repérer les coutures dans ce que tu auras cousu. Les quatre frères atteignirent le même endroit où ils avaient promis de se revoir 4 ans plus tard. Ils rentrèrent chez eux ensemble. Arrivés à l'heure, ils rencontrèrent leur père et lui dirent ce que chacun d'entre eux avait appris. Un jour, ils étaient tous assis avec leur père sous un arbre devant leur maison, quand leur père leur dit « Aujourd'hui, je veux voir vos compétences dans les métiers que vous avez appris. Il y a un nid au sommet de cet arbre. Dites-moi, combien d'œufs y sont ?»« 5 !»« Très bien, Rob. À présent, peux-tu me récupérer les œufs que l'oiseau couve pour les faire éclore ?» Mais l'oiseau ne doit pas s'en apercevoir. Rob grimpa à l'arbre sans que l'oiseau puisse le voir. Il vola les œufs. Il était tellement expérimenté que l'oiseau n'avait même pas réalisé que les œufs avaient disparu. Ouh! Impressionnant! Le pêcheur garda les 4 œufs aux 4 coins d'une table et dit à son fils Alex... Coupe les 4 œufs en 2 avec une seule flèche. Mais les poussins à l'intérieur des œufs ne doivent pas être blessés. Alex enleva sa flèche et avec une seule flèche, il coupa les œufs en 2. Le pêcheur était très heureux de voir ça. Puis, il dit à son fils Harry. À présent, couds ces œufs ensemble et montre-moi que l'oiseau puisse donner naissance à sa progéniture. Harry prit son aiguille et cousit les œufs. Puis Rob reposa les œufs dans le nid. L'oiseau ne s'était rendu compte de rien. Très bien, mes enfants. Vous avez tous les 3 appris des choses avec sincérité durant 4 ans. Mais je n'ai pas de cadeau à vous offrir. Mais je suis certain que la vie vous récompensera pour tous vos efforts. Après quelques jours, la nouvelle se répandit dans tout le royaume qu'un dragon avait enlevé la princesse. Le roi déclara que quiconque trouverait la princesse se marierait avec elle. Mes fils, Vous avez l'occasion de montrer vos talents. Allez sauver la princesse à présent. Les quatre frères se préparèrent et partirent pour sauver la princesse. Cole regarda dans sa paire de jumelles et dit « Je peux voir où se trouve la princesse. Le dragon l'a cachée sur une île au milieu de la mer et il est assis. Il surveille les alentours. » Ils allèrent voir le roi et demandèrent un bateau pour pouvoir rejoindre l'île. Le roi leur donna un navire et les quatre frères atteignirent l'île. Cole regarda à travers ses jumelles et dit « Le dragon dort à proximité et sa tête repose sur les genoux de la princesse. » « Malheureusement, dans ce cas, je ne peux pas tirer. La flèche pourrait blesser la princesse. »« Attendez, je vais voler la princesse et la ramener. Vous gardez le bateau prêt à partir. » Rob vola la princesse du dragon. Mais quand ils revinrent sur le bateau, le dragon se réveilla et ils les suivirent en volant au-dessus d'eux. Il était sur le point d'attaquer quand Alex le tua avec sa flèche. Mais lorsque le dragon tomba dans l'eau, l'impact de sa chute fit des vagues incroyables et le bateau s'effondra. Ils flottaient tous avec l'aide des différentes pièces du bateau quand Harry prit son aiguille et, prenant de grandes longueurs de fil, commença à assembler les planches de bois. Et bientôt, de nombreuses planches furent cousues ensemble pour que tous puissent s'asseoir dessus. Puis, ils arrivèrent chez la princesse en toute sécurité. Quand ils allèrent voir le roi, il leur dit « Vous allez devoir décider tous les quatre lequel d'entre vous épousera la princesse !» Quand ils entendirent ça, les quatre frères commencèrent à se battre entre eux. « Et si je n'avais pas trouvé la princesse, qu'est-ce que vous auriez pu faire ? Par conséquent, je vais épouser la princesse !»« Et si je n'avais pas sauvé la princesse du dragon ? Qu'est-ce que vous auriez fait tous les trois ? C'est moi qui vais épouser la princesse. » Et si je n'avais pas tué le dragon, est-ce que vous trois auriez jamais pu atteindre la maison de la princesse? Alors, comment pouvez-vous l'épouser? Je devrais être le seul à l'épouser. Si je n'avais pas cousu le bateau, vous vous seriez tous noyés. C'est pourquoi je devrais épouser la princesse. Voyant les quatre frères se battre, le roi décida qu'aucun d'entre eux ne se marierait avec la princesse, car personne ne serait heureux de la sorte. Le roi donna la moitié de son royaume aux quatre frères en récompense. Les frères eurent tout ce qu'ils voulaient. Ainsi, le pêcheur finit par s'en sortir de sa pauvreté, et ils vécurent tous heureux toute leur vie.